entre tes mains. J'ai des marques sur le corps, Versace, Gucci, Balmain. C'est bon, merci, je connais mon chemin. Ça baby du shit en bas de chez moi. Toi tu prends pas de nouvelles, tu prends des informations, c'est tout. J'suis dans l'avenue montagne, tu prends plus les sacs des poissons. Plus bactères, tu peux te remonter. Bloc notes dans vis de pinceau, pénurie faut alimenter. Les junkies sont patients. 13ème étage, y'a pas d'ascenseur. Kilogramme bœuf, c'est l'ophane, y'a les cops dans le 307. Que Dieu nous pardonne, t'avant pendant le ramadan. J'continue tout droit. Les keufs m'attendent au prochain virage et fais demi-tour. Toi tu n'as pas de rallye, si wesh arrête demi-tour. Sur le terrain, ni diminue, y'a pas trop de mi-temps. Les keufs m'attendent au prochain virage et fais demi-tour. Ne viens pas la nuit, t'auras des ennuis. Ils me portent l'œil, all eyes on me. Ne viens pas la nuit, t'auras des ennuis. Midi, minuit, all eyes on me. Famille nombreuse, cognou. Muro, clichy, sous-bois. Tu peux fouiller l'auto, Ico. J'ai que cri-cri sur moi. Billet superposé, mon lit devient confortable. Promenade, deuxième tour dans la cellule. Charge le portable dans le coin. En hiver, du boucan. Galère et charbonné, Ico. J'ai choisi mon camp. T'as posé 20 bouteilles, elle part avec le boutique. Ico ou japonais. Il parle tout japonais. Jing, jang, jang. Tout le monde sait que t'es en chien. Mais tu lâches pas le steak, Ico. La mala, ça coûte cher. J'vais claquer mon salaire. Y'a beaucoup de soleil, 200 billets verts, fais croquer en salaire. Les keufs m'attendent au prochain virage et fais demi-tour. Toi tu n'as pas de rallye, si wesh arrête demi-tour. Sur le terrain, midi, minuit, y'a pas trop de mi-temps. Les keufs m'attendent au prochain virage et fais demi-tour.